là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours vont conservant leur veine et rigolent toujours. Ce sont les philosophes, au lieu de s'affoler devant toute catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes ces histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tombe et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Ouais! Eh bien, bonjour, chers radiospectateurs, et bienvenue à cette émission quotidienne des Joyeux Troubadours, qui est une présentation des Toasts de Melbourne, Old London. Bonjour, Estelle. Bonjour, Gérard. Mon cher Jean-Maurice, quoi de neuf dans le monde du sport? Bonjour tout le monde, ici Jean-Maurice Bailly. Eh bien, après Maurice Raquette Richard et son gouret magique, voici l'archet fantastique de Tim Long, ça va marcher. C'est la fête à mon grand-père, c'est la tante à ma grand-mère, c'est la tante à mon beau-frère, à la belle-sœur, à mon cousin. C'est la fête à mon grand-père, qu'il y a du monde à la salle à manger. La parodie a si bourré de l'or salé, tout comme au jour de l'an. La parodie a va rester pour la veillée et trop de bonheur pour s'en aller. C'est la fête à mon grand-père, c'est la pipe à ma grand-mère, les cocons, les créatures avec les bêtes à ma belle-mère. C'est la fête à mon grand-père, à fumer dans ma grand-mère. Ah, c'est la fête à mon grand-père, la mamaille à ma grand-mère, c'est effrayant comme il y a du drain, puis le bébé qui a pas ta terre. C'est la fête à mon grand-père, c'est la jacque qui fait mes neiges avec le chien. La parodie c'est trémoussé à pour danser tout comme au jour de l'an. La parodie c'est accouplé, bien enlacé, les hommes, les femmes, on les prémé dans les biens. C'est la fête à mon grand-père, le chien de ma grand-mère, c'est la jugue à mon beau-frère, avec la viande du coudin. C'est la fête à mon grand-père. Va s'en tourner chacun chez eux, tout comme au jour de l'an. La parenté, mon oncle, m'aidé, ma tante Laura, mon oncle Doré, ma tante Eva. Bon ben bonsoir, là, vous vous prendrez, puis comptez pour et tout, on est pas sortant. mon pauvre grand-père, il s'est couché. Ben fatigué. Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole, vole, vole, vive la Canadienne, ses jolis yeux doux, ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux. Vive, vive la Canadienne, et ses jolis yeux doux. Vive la Canadienne, vive la Canadienne, vive la Canadienne et ses jolis yeux. Me voyant mal à manger, je vous tombe sur le bout du nez. Quand je viens pour le regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Mais si faites une bonne longue, puis un guéri n'a pas grand temps. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, yeah. Sur l'air du cou qui est aussi gros qu'un grand sou. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un sur le bord d'oreille qui me sert de panne à l'oreille. Vous assure qu'il tarnisse pas son garanti 14 corons. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, yeah. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite recommencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien laisser le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, ne découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gris, je continue à tirer. Tiriliram, tiririram, naritaririririram, naritarilari, naritaririririram. Se plaigne à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à l'eau notre messe. Qu'il n'y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever faim. Ça va venir, ne découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur pris, je continue à tout lutter. Tiriliram, tiririram, naritaririririram, tatarilari, taritaririririram. Ça va, je t'ai couché par terre. Puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Toi dans ton coin, puis moi dans le mien, on se regardait sans cesse. Et dans ce temps-là, t'avais de l'air fin. Aujourd'hui, t'as de l'air bête. Tout le long de la rivière. Tam-tiri-ram, tam-tiri-ri-ri-ram. Le petit sauvage, je t'ai couché par terre. Puis il y en avait d'autres sur le dos de leur mère. Que je t'ai prêté, t'as besoin de me le remettre. Si tu veux pas que je te lance la tête avec une flèche, à tout le long de la rivière, tam tiri ram tam tiri tiri ram. Le petit sauvage était couché par terre, puis il avait d'autres sur le dos de leur main. À tout le long de la rivière, tam tiri ram tam tiri tiri ram. Le petit sauvage était couché par terre. Vous pourrez pas les manquer. Prenez le chemin au pavé. Prenez la maison, vous verrez. Y aura un toit qu'on le plante. Les voisins arrivent gaiement avec deux douzaines d'enfants. On montre pour les coucher. Cinq heures, il faut les passer. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. Et on descend le cœur joyeux en attendant le violeux. Enfin, le violeux d'arriver. Il a l'air pas mal réchauffé. Est-ce que c'est charmant chez nos parents? Est-ce que ça sent bon? dans toutes les maisons au Canada. Ça se passe comme ça. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons. Moi, je viens de pays qui a un bon tronneau. Moi, je viens de pays où ce qui n'est en haut. Dans ce pays qu'on dit hors de la carte, où l'oncle Edmond travaillait sous la terre, mais il creusait dans l'or sa propre mort. Mon oncle Edmond nous aurait mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît qu'au de premier temps, on y gagnait beaucoup d'argent. Y'a de l'eau en bas qui dorissait, y'a même des poignées de bas, en or, en cuivre, en fer qui vont de l'auto. En 1900, tout en Abitibi, dans mon pays, parce qu'on avait 12 enfants, change son fusil d'épaule depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir d'Alain, c'est de boire autre conseil. Oh, oh, oh, oh. Il est jeune, il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose d'ennui, c'est son valet que génie. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir d'Alain, c'est de voir l'autre quand c'est cool. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir d'Alain, c'est de voir l'autre quand c'est cool. Venez voir mes échalotes, seulement qu'elle dit sous la botte. Des radis, puis de la salade, des patates, puis de la rhubarbe. C'est du vrai sirop d'érable, faites avec la cassonade. Oh oui, on en a des légumes. Des colombes, des navons, des betteraves, des poireaux. Oh oui, on en a des bouchons. Des patates, puis des tomates, oui, on en a des rougeras. On en a des ruelles, la bouche fendue aux oreilles. Avec la force de grimace, petit qui donne pas sa place. On en a des pauvres cons, on en a pour tout le monde. Y'en a pas des autres quartiers qui ont des beaux.